un point tout à fait fondamental et pertinent dans son analyse. Et je pense, à titre personnel, je ne pense pas qu'on puisse revenir là-dessus. Mais maintenant, évidemment, ça ouvre beaucoup de questions, autant que ça en résout. Eh bien, allez voir par vous-même, chers auditeurs, les origines du totalitarisme. Premier chapitre sur l'antisémitisme. Merci beaucoup, Jean-Claude Poisat, d'être venu nous en parler ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je renvoie votre introduction à Hannah Arendt, qu'on trouve en poche. Pocket, la découverte. On se quitte avec une chanson des comédiennes harmonistes, le sextuor vocal allemand qui a dû se dissoudre en 1935, victime d'antisémitisme. Véronica, Véronica, Véronica, elle insista, Véronica, elle insista, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Véronica, der Spargel wächst, ach du Véronica, die Welt ist grün, zum Lass und Sing, die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Mädchen lacht, Jüngling spricht, Fräulein wollen sie oder nicht. Draußen ist Frühling, der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht. Er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün, um lass uns in die Wälder ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der Lenz ist da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel weg. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'amour à l'ère numérique. Le 14 février, dernier jour de la Saint-Valentin, oblige, je vous parlais du tournant que les sciences humaines, notamment la philosophie, avaient opéré dans leur approche de l'amour. Autrefois étudié comme une vertu, l'amour est désormais approché dans le contexte capitaliste et comme une marchandise. Amour tarifé, injonction au sentiment, rapport affectif fondé sur des intérêts bien compris. Il faut ajouter à cette liste, grâce à ce livre de Richard Memto, Sex Friends ou Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, l'amour, consommation dans un contexte non pas seulement capitaliste mais technologique. C'est-à-dire l'amour qui se trouve sur des sites. À quoi ressemble cet amour numérique? Car avant, on le sait bien, l'amour ressemblait plutôt à ça. Quand tu lui bouffes la chatte, tu te fais engueuler. Genre, faut pas abuser, quoi. Ah ouais, non, là c'est grave. Là, tu peux plus rien faire, quoi. Et le derrière, c'est interdit. Ah non, ça tu penses plus ou pas? Remarque qu'à un moment, vaut mieux, hein. Comme ça, tu peux trier les problèmes. Paul habite avec son cousin Bob. Excuse-moi, mais t'as vu son derrière? Oui. Elle a un cul à se tuer, non? Paul sort depuis 10 ans avec Esther. Non, moi je veux pas qu'on se voit copain-copain. Si on sort ensemble, on couche ensemble. Eh, on n'est plus ensemble, hein. Paul rencontre une nouvelle fille. C'est là que les problèmes commencent. T'es nul avec les filles, de toute façon. L'amour et ses errances, l'amour au premier regard mais pas sans complications, ou l'amour simple, évident. Si les rencontres ne ressemblaient pas toutes à un film d'Arnaud Desplechin, elles en avaient malgré tout la logique. Une rencontre, en général au travail, à la fac ou par des amis, de l'amour et du sexe ou pas. Désormais, avec les sites de rencontres en ligne, la logique est plutôt celle-ci. Une rencontre, en ligne, grâce à des algorithmes, du sexe et de l'amour ou pas. Alors je préfère le dire tout de suite, il ne s'agit pas avec ce livre de dire « l'amour c'était mieux avant ». Il s'agit seulement, et c'est déjà beaucoup, de voir comment l'amour est travaillé différemment en milieu technologique. Qui rencontre-t-on? Quels y sont les critères de séduction? Comment passe-t-on de la virtualité des sentiments à leur matérialisation physique? Est-ce que l'amour est devenu plus sexuel? Est-ce qu'on y fait plus de rencontres? Les possibles y sont-ils plus grands? Je crois que maintenant, on est dans une société où on a le choix. Et avoir le choix, finalement, c'est avoir le pouvoir. Et puis en même temps, c'est... Mais c'est déprimant parce que plus on a le choix, plus on devient exigeant. À l'époque de mes parents, on restait ensemble, on faisait beaucoup de concessions finalement. Maintenant, on ne fait plus de concessions, donc on a envie de trouver vraiment le profil parfait qui correspond à nos attentes. Donc, et là, comme je dis, en un clic, on peut trouver. Donc c'est génial, on est vraiment une société de consommation. Vous avez trouvé ? Non, je n'ai pas trouvé. Je prends mon temps, alors que pourtant je dis que je n'ai pas le temps, mais là je prends mon temps. Premier constat dans ce livre, l'expansion de la drague ne conduit pas à une multiplication générale des relations sexuelles. Au contraire, l'expression « l'embarras du choix » n'a jamais été aussi pertinente. Il faut décider ce qui justement ne se décide pas. Validation demandée, évaluation permanente, le monde de l'amour numérique ne fait pas rêver. Il ne transporte pas, il ne laisse pas aller les sentiments, il n'ouvre pas à tous, il est au contraire tout fait de contrôle, de calcul, de création de mini-communautés par préférence. Et c'est le drame, ce monde de l'amour numérique ouvre tellement de possibles qu'il faut faire des choix, établir des critères, des repères, des rayonnages, ou aller vite, céder à l'arbitraire, balayer d'un doigt un profil qui était peut-être le partenaire de notre vie, comme on passe devant un étal de nourriture sans le regarder. Mais si sûr, l'amour est-il vraiment devenu un hypermarché comme on l'entend partout? A-t-on vraiment, dans ce nouveau contexte technologico-sentimental, renoncé à l'amour? Qui aura envie d'aller voir des histoires d'amour qui se passent normalement? Pas moi. Parce que moi, je pense que l'amour, le vrai, il n'en a rien à faire des statistiques et qu'il ne se trouve pas forcément au bureau, dans mon immeuble ou au coin de la rue. Moi, je pense que les belles rencontres, elles se font partout, mais surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. C'est un des autres constats que relève Richard Memento dans son livre. Nous n'avons pas renoncé à l'amour, bien au contraire. Nous voulons y plonger, nous y noyer. L'amour reste absolument le même, bien réel. C'est le concept d'ému, EMU, exclusif, monogame et ultime, mais l'amour a changé dans ses conditions, lieu de rencontre, logique des étapes, multiplication des possibles. Et c'est là le décalage. Si les corps sont désormais pris dans un grand réseau d'échanges et de fluides, l'amour n'est pas pour autant un marché où on laisse tout faire. Entre sexe sans âme et amour idéal, voilà à quoi pourrait ressembler l'amour, à de l'amitié, avec quelques bénéfices, faits de confiance et de quelques réjouissances. En tout cas, ici, on n'a pas du tout renoncé à l'amour, de la philo au moins. Géraldine, le titre du livre. Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, c'est par Richard Memento et c'est aux éditions Zone. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Anaïs Isbert, Elsa Le Saulnier, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine, c'était Jordan Fuentes à la prise de son, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les origines du totalitarisme d'Anna Arendt. Demain, nous serons en compagnie de Martine Lebovici et on se posera une question. L'état totalitaire peut-il se passer de la loi? D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.